2 heures plus tard, le pauvre Fabrice, garni de menottes et attaché par une longue chaîne à la cédiole même dans laquelle on l'avait fait monter, partait pour la citadelle de Parme, escorté par 8 gendarmes. À l'instant où le général Fabio Conti et sa fille allaient sortir, sa voiture s'arrêta avant d'arriver au pont-levis pour laisser entrer la cédiole à laquelle Fabrice était attaché. J'ai donc en mon pouvoir, se dit le vaniteux gouverneur, ce fameux Fabrice Del Dongo, dont on dirait que depuis près d'un an, la haute société de Parme a juré de s'occuper exclusivement. 20 fois le général, qui était du parti de Rassi et de la Raversi, l'avait rencontré à la cour, chez la duchesse et ailleurs, mais il se gardait bien de témoigner qu'il le connaissait. Il eut craint de se compromettre. Que l'on dresse, cria-t-il au commis de la prison, un procès-verbal fort circonstancié de la remise qui m'est faite du prisonnier par le digne potestat de Castelnuovo. Tout à coup, Clélia Conti, qui attendait en voiture, entendit un tapage effroyable dans le corps de garde. Le commis, faisant une description insolente et fort longue de la personne du prisonnier, lui ordonna d'ouvrir ses vêtements afin que l'on pût vérifier et constater le nombre et l'état des égratignures reçues lors de l'affaire Giletti. Je ne puis, dit Fabrice souriant amèrement. Je me trouve hors d'état d'obéir aux ordres de monsieur. Les menottes m'en empêchent. Quoi? S'écria le général d'un air naïf. Le prisonnier a des menottes dans l'intérieur de la forteresse. Cela est contre les règlements. Il faut un ordre ad hoc. Ôtez-lui les menottes. Fabrice le regarda. Voilà un plaisant jésuite, pensa-t-il. Il y a 1 heure qu'il me voit, ces menottes qui me gênent horriblement. Et il fait l'étonné. Les menottes furent ôtées par les gendarmes. Il venait d'apprendre que Fabrice était neveu de la duchesse Sanseverina, et se hâtèrent de lui montrer une politesse mielleuse qui faisait contraste avec la grossièreté du commis. Allons donc, dépêchons. Montrez-nous ces égratignures que vous avez reçues du pauvre Giletti lors de l'assassinat. D'un saut, Fabrice s'élança sur le commis et lui donna un soufflet tel que le commis tomba de sa chaise sur les jambes du général. 2 gendarmes se hâtèrent de relever le commis, dont la figure saignait abondamment. Le brigadier qui les commandait pensa que le jeune Del Dongo ne pouvait pas tenter une fuite bien sérieuse, puisqu'enfin il se trouvait dans l'intérieur de la citadelle. Toutefois, il s'approcha de la fenêtre pour empêcher le désordre et par un instinct de gendarme. Vis-à-vis de cette fenêtre ouverte et à 2 pas, se trouvait arrêtée la voiture du général. Clélia s'était blottie dans le fond afin de ne pas être témoin de la triste scène qui se passait au bureau. Lorsqu'elle entendit tout ce bruit, elle regarda. Que se passe-t-il? Dit-elle au brigadier. Mademoiselle, c'est le jeune Fabrice Del Dongo qui vient d'appliquer un fier soufflet à cet insolent commis. Quoi? C'est Monsieur Del Dongo qu'on amène en prison. Et sans doute, dit le brigadier, c'est à cause de la haute naissance de ce pauvre jeune homme que l'on fait tant de cérémonies. Je croyais que mademoiselle était au fait. Clélia ne quitta plus la portière. Quand les gendarmes qui entouraient la table s'écartaient un peu, elle apercevait le prisonnier. Qui m'eût dit, pensait-elle, que je ne le reverrais pour la première fois dans cette triste situation quand je le rencontrai sur la route du lac de Côme. Il me donna la main pour monter dans le carrosse de sa mère. Il se trouvait déjà avec la duchesse. Leurs amours avaient-ils commencé à cette époque? Il faut apprendre, lecteur, que dans le parti libéral, dirigé par la marquise Raversi et le général Conti, on affectait de ne pas douter de la tendre liaison qui devait exister entre Fabrice et la duchesse. Le comte Mosca, qu'on abhorrait, était pour sa duperie l'objet d'éternelles plaisanteries. Ainsi, pensa Clélia, le voilà prisonnier et prisonnier de ses ennemis, car, au fond, le comte Mosca, quand on voudrait le croire un ange, va se trouver ravi de cette capture. Le commis leva la tête pour regarder dans la voiture. Ses yeux rencontrèrent ceux de Clélia, à laquelle un cri d'horreur échappa. Jamais elle n'avait vu d'aussi près une expression de figure tellement atroce. Il tuera Fabrice, se dit-elle. Il faut que je prévienne Don Cesare. C'était son oncle, l'un des prêtres les plus respectables de la ville. Général Conti, son frère, lui avait fait avoir la place d'économe et de premier aumônier de la prison. Le général remonta en voiture. Veux-tu rentrer chez toi? Dit-il à sa fille, ou m'attendre peut-être longtemps dans la cour du palais. Il faut que j'aille rendre compte de tout ceci au souverain. Fabrice sortait du bureau, escorté par trois gendarmes. On le conduisait à la chambre qu'on lui avait destinée. Clélia regardait par la portière. Le prisonnier était fort près d'elle. En ce moment, elle répondit à la question de son père par ces mots. « Je vous suivrai. » Fabrice, entendant prononcer ces paroles tout près de lui, leva les yeux et rencontra le regard de la jeune fille. Il fut frappé surtout de l'expression de mélancolie de sa figure. « Comme elle est embellie, » pensa-t-il, « depuis notre rencontre près de Côme. Quelle expression de pensée profonde. On a raison de la comparer à la duchesse. Quelle physionomie angélique !» Il était ravi de la céleste beauté de Clélia, et son œil trahissait toute sa surprise. Elle, profondément pensive, n'avait pas songé à retirer la tête de la portière. Il la salua avec le demi-sourire le plus respectueux. Puis, après un instant, « Il me semble, mademoiselle, lui dit-il, qu'autrefois, près d'un lac, j'ai déjà eu l'honneur de vous rencontrer avec accompagnement de gendarmes. » Clélia rougit et fut tellement interdite qu'elle ne trouva aucune parole pour répondre. « Quel air noble, au milieu de ces êtres grossiers, se disait-elle, au moment où Fabrice lui adressa la parole. » Elle s'aperçut de son silence et rougit encore davantage. Emportée par les chevaux qui avaient pris le galop, aussitôt après le pont-levis, Clélia se disait « Il m'aura trouvé bien ridicule. » Puis tout à coup l'ajouta « Non pas seulement ridicule, il aura cru voir en moi une âme basse. Il aura pensé que je ne répondais pas à son salut parce qu'il est prisonnier et moi, fille du gouverneur. » Cette idée fut du désespoir pour cette jeune fille qui avait l'âme élevée. « Ce qui est mon procédé tout à fait avilissant, » ajouta-t-elle, « c'est que jadis, quand nous nous rencontrâmes pour la première fois, aussi avec accompagnement de gendarmes, comme il le dit, c'était moi qui me trouvais prisonnière, et lui me rendait service et me tirait d'un fort grand embarras. Il m'avait bien dit alors, vous souviendrez-vous de mon nom à Parme? Combien il me méprise à l'heure qu'il est. Un mot poli était si facile à dire. Il faut l'avouer, oui, ma conduite a été atroce avec lui. Quel contraste entre sa physionomie si noble et mon procédé. Quelle noblesse, quelle sérénité. Comme il avait l'air de héros, entouré de ses vils ennemis. Je comprends maintenant la passion de la duchesse, puisqu'il est ainsi, au milieu d'un événement contrariant et qui peut avoir des suites affreuses. Quel ne doit-il pas paraître lorsque son âme est heureuse ?